100% rap français, planète rap. La Nocturne. Et c'est parti juste après D-Fool, comme chaque vendredi soir, La Nocturne, 100% rap français. Dédicace à tous ceux qui sont en vacances, qui peuvent veiller tard avec le son de La Nocturne. Ceux qui taffent aussi en nous écoutant, ceux qui sont posés à la maison, en bas de chez eux, dans la voiture, en train de tourner. Le son de La Nocturne, c'est parti pendant deux bonnes heures. Rap français, classique rap français, dans la deuxième heure. Et là, on débute tout de suite avec les gros types qui sont arrivés cette semaine. Il y a évidemment Gradure qui était notre invité entre 20h et 21h dans Planète Rap. L'Homme au Bob sort lundi 23 février. Il y a eu le son de Dossé qui est arrivé avec Caris. On va l'écouter dans quelques minutes, Bouteille et Glock. Le son de Booba aussi, Tony Sosa, qu'on écoutera dans un instant. C'est La Nocturne, coup d'envoi de cette Nocturne avec notre invité de Planète Rap, Gradure, et Priez pour moi. Planète Rap, 100% rap français. Un truc de gueule, public numéro 1. Hey! Hey! Hey! Guetta, Charlie, Guetta, Peupon, Traction, Abdo. La vie ne tient qu'à une feuille, je la fume comme un bédo. Je veux les armes à Pablo, la villa à Sosa. Une bête de bombe comme Elvira dans le Gamos dernier Costa. Bientôt je vais crever, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Comme Jack Messine et Ghetto Val, je fais client court. On l'a dans le fut, tu l'as dans le zen comme Tony. Ils ont jamais dit grave, tous ces domis, c'est des voyous de chrome. Je rafale 4-4 AK, 4-7 Dago, 4 pattes dans 5, 6-7 machette, grosse gag, hachette, sans la vodka, dans ta putain, coche-neck. Y'a pas de bénévolat si tu cherches la monnaie, j'ai gay travail. Y'a pas d'autre ici, si je te la sors, ma chérie, faut que t'avales. Faut que ça t'avale. Ça sent le drive-by. Même le bol n'y peut rien quand je tire dans la tête. Dis-moi à quoi c'est un pare-balle. À quoi c'est un pare-balle. Tu peux ramener même Oliver Kahn. 7,62 dans la jambe à Juninho Negro. Je la mets direct Lucas. Tu l'ennemi public numéro 1. En rotation dans tous les checkers. C'est un truc de putain. Priez pour moi. Mais Che Guevara, priez pour moi. L'avenir est à nous. Comme Tony Montana. Priez pour moi. Priez pour moi. L'avenir est à nous. Comme Tony Montana. Un truc de gueudin. Un truc de gueudin. Un truc de gueudin. Public numéro 1. J'ai que de la weed dans la cervelle. Comment veux-tu que je m'applique? Ils nous prennent nos flots, nos rimes. Ils me sucent la bite puis envoient des pics. J'ai des épaules à Chicago. Dans le hood avec les chèques la street. De 0,17, j'arrête le rap, me barre avec maman en Afrique. Je sais pas combien de CD je vais vendre, je sais combien de meugras j'ai vendu. Je trempe ma sub dans le cul du RAP, toutes les MC sont perdues. J'ai tout niqué dans le nord, je me barre en vacances dans le 13. Marre du froid, du stress de Bahamas, je me réveille au plus du calage. Elle s'en fout de savoir mon nom, elle veut savoir combien je prends. Mes terres d'Afrique tatouées sur le bras, donc je donne de la force à chaque fois que je me prends. Et je crache ma peine, comme je crache mon sperme. Toujours une larme à l'œil, un peu comme Gucci Mane. Je suis l'ennemi public numéro 1. En rotation dans tous les checkers, c'est un truc de putain. Priez pour moi, mais Che Guevara, priez pour moi. L'avenir est à nous, comme Tony Montana. Priez pour moi, priez pour moi. L'avenir est à nous, comme Tony Montana. Un truc de gueudin, un truc de gueudin, un truc de gueudin. Public numéro 1. Rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. Back to the future. Levez les bouteilles et les glocks. Levez les bouteilles et les glocks. Levez les bouteilles et les glocks.

l'ami, fais-toi, sors sur tes mapelles. Chegué, chegué, chancé, loco, pamba, sur la diamba, brique et feuille, fais-moi 22. Fais-moi 22. 2015 et 4, tu me 243, ma tongue et tu m'yama, ma sa fin 2. Ma sa flotte, haute, couture, Gucci, LV, Jean Franco Ferré. Jean Franco Ferré. Étranger en mission, deux, on fait flipper vos rappeurs préférés. Je rappe si je suis possédé. On t'envoie des gros que ce thé. Fessier ta coup de CP. Soir, ce, je baisse, Marie-Jeanne Bolonnet. Je fais plus la vie entre l'homme et la femme, car mes tantes sont barbues. Bosse pour la mif, vente de la cam, maman banne, on se reverra au parlu. Le dièse baisse comme Pépé Calé. Où est passé le coupé décalé? J'ai toujours la tête d'un Sénégalais. L'inspiration vient de loin, où tu es balé. Ma daronne, le plus, le bis, ton dealer, elle, puis grave, du carreau live. Comme beauté, salope, salope, c'est 1000 la dédicace. J'ai pas attendu, la vie est belle, pour vivre comme un fourrando. Les êtres rares qui restent fidèles, dehors y'a tout une bande. Je vais tous te guiner sur du Yamato. Yamato, Yamato, Yamato. Tiens de Yamato. Tout ce que je sais, tout ce que je sais, je râle pour prendre un bon petit. Je suis pâle, allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mise. Bosse pour nourrir la mise. Tout ce que je sais, je râle pour prendre un bon petit. Je suis pâle, allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mise. Masta, masta, masta, masta, que des billets tout verts. Que des billets tout verts. Je suis venu manger, imbécile. Pose l'assiette et les couverts. Et les couverts. Encore une fois, j'ai répondu à l'annonce de monsieur Mobutu. C'est con. Si t'es pas dans le track, ça t'a dormi. La faute à la mousse, c'est con. Remix étranger en service. Je sais tes matchs. Sortez les tournevis. Le feu du 100-7 et biatch. Ah, mon buton sent le choco. Parce qu'il y a blanchiment. Car le volet, je mets du coco. Pour un drive-by gentiment. Keba, comment te dire. Mamanayo, monsieur l'agent. Plein de zaïrois dans le game. Chez Koula, je ferai toujours de l'argent. Banda Chili, Massina, Yolo, Gomeli. Mette qui tambo, mon gars, foula, les mangas. Bah, ma tête, c'est pour tirer la smoule de la bouche de mes gosses. On va tous nous maltraiter. J'rappe ça en Paris by night. Panakini va sauter Panam. Champonga qui se bat, n'est-ce pas? Maman, pardon, nanana, zo baïnois. C'est péché Koula, c'est notre technique. J'ai des négros forts, des négros câbles, pas de dub, nigga. Ils vont commenter les barbes de Benzema. Négro la pute est blanche et la Benz est black. Tu séduis pas la France, chopla, chécla, chocla. Pas de choco mon négro, mais mon négro moi dans une blanche, ça devient un pain au chocolat. T'as rien à dire, ferme-la, ta gueule, kanga. Regarde mes bras, c'est des kwanga. Guerlain a une odeur nauséabonde. Quand une check, ils me disent tout, c'est un bon. Couteau, scorpio, stylo, poteau. J'suis trop petit pour cacher un pont. Tout ce que je sais, tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit. Je suis pâle, allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mise. Bosse pour nourrir la mise. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit. Je suis pâle, allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mise. Ramène la brise et le Pepsi. Tous les clichés, bitch, ils sexy. Je me sens comme Biggie dans Juicy. Y'a mes deux et ça sent le Roussi. On se retrouve vers rien de festif. Il pleut des balles comme le Teski. Maintenant ils se mettent tous au Pingala. Si Colo, ça va pas être poison. Traîne dans King la night. J'ai vu Yamado à Eoba. Sans Kuluna, supporter des Léopards. On se passe sur un morceau. Bah c'est qu'un bisso. Maintenant mes quinois sont trop chauds. Respecte mon travail en culé. Je gagne une tada en kilo. Ton salut ou salam. Tiki la zala. Fais zala qu'on s'arrache en kilo. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit. Je suis pâle. Allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mise. Bosse pour nourrir la mise. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit. Je suis pâle. Allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mise. 100% rap français. 100% explicit lyrics. Le nocturne. Dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dangereux, oui, peut-être. Hein? Je sais pas. Je sais pas. Dangereux, dangereux. Ça dépend. L'histoire de mon peuple est triste. Fuck un comido fils. RSA, RMI. Sans mes pires ennemis. Le salaire à Kennedy. Aoudou Bileh, non merci. Le négro est riche comme Omar Sy. Premier album écrit à Bodassi. C'est la banane comme Tobira. Skywalker dans le Coiba. On crasse pas dans le quartier libre. Y'a que pour mes rocks, j'ai le cœur qui boit. Tu peux le faire, j'en suis la preuve. 7-4-K, panique, y'aura. T'arrives en pro, note MX9. J'ai mon pied nu comme Yannick Noir. J'suis à la ce bon t'es à Zumba. Je jump Oscar de la Ouya. Ton nom t'ni pas, c'est la Juma. Balle dans la tête, j'ai pas de Cuba. Oulbil, l'île, c'est on est sous bois. Été, hiver, tout est noir. Je lis beaucoup trop peu de soif. Beaucoup de messieurs dans mes choix. Bon, c'est bitch, bad, tu passes si vite. Donnez sur sa pique, bitch, bien, bon, j'ai aussi riche. Hey, il nous demande y a-t-il un crime qu'on ait peur de commettre. Être disque de platine c'est mon fond de commerce. Sans de haineux sur le devant de la paire de Converse. Tu es très décevant comme mes bulletins scolaires et ton entrée au top zéro. La plus grosse balance avant toi c'est ton cellulaire. Je n'ai que des victoires, pas le time qu'on les énumère. Dans ce rap game, niquer des mères, ça me rémunère. Y'a mon zebla gravé dans quelques fourgons cellulaires. Et les enfants de putain s'accumulèrent. J'baisserai ces négros à jamais, j'appartiens à l'OPSCUR. Que des banlieusards déterminés à mon séminaire. La Nike est personnalisée, carrière customisée comme le SLR. Quelques dizaines de carats sur l'auriculaire. Ils regardent dans la boca, jamais une articulaire. Impressionnant tout l'argent qu'ils manipulèrent. Ma vision de ton futur sur terre est particulière. Y'a qu'en restant l'équipe que je ne serai plus titulaire. Encore quelques millions et je ne saurai plus qui tu es. On fait du business, il m'a comme elle est haute. Que Dieu me punisse d'être comme les autres. Sur Skyrock. Mac Taylor, à qui on pense. Grosse pensée Mac Taylor et son morceau Bruce Wayne maintenant. Bruce Wayne. J'ai les yeux lourds, négro. Ah ouais? Pourtant, je n'arrive pas à pioncer. Y'a Closé qui m'obsède. Oui. J'suis pas du genre à pillard pour oublier. J'ai signé chez Monstre Marin. Ouais. Maintenant, les proches, je dois les plier. J'fais l'amour et la guerre dans les tranchées. Cherche un bon plan, histoire d'être tranquille. On est là pour construire un empire. Anéantir ceux qui veulent me nuire. J'vais prendre mon oseille, j'vais pas vous mentir. Dans ma tête, c'est trop la folie de moi, Dakim. La rue me connaît mieux qu'un fan de rap. Qui veut quoi? Hein? Qui veut? C'est moi le général que ça te plaise ou pas? Qui veut quoi? Hein? Qui veut? C'est moi le général que ça te plaise ou pas? Qui veut quoi? Oui, je porte mes couilles hein, comme un brolic qui va tirer sur toi. Qui va tirer sur toi? Les choses avancent à l'allure d'un GP. T'es au placard, on envoie un petit peu jeter. Fais pas genre t'es choqué. Négro, tu veux prendre ma place comme si j'étais égaré. Qui veut quoi? Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Tu veux quoi? Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Je représente 93 au père, viens pas me dire que c'est pas vrai. Quoi? T'as vu des coups de feu s'échanger à la tête, viens pas me dire que t'es navré. Quoi? Je vais tuer le roi Geoffrey parce qu'il était cruel et mauvais. Quoi? Je représente 93 au père, viens pas me dire que c'est pas vrai. Quoi? Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Tu veux quoi? Hein? Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Tu veux quoi? Hein? Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Tu veux quoi? Demain hein? Je pourrais être plein aux âges, j'oublierai jamais l'essentiel. Yeah! Bang bang.

dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. Le Planète Rap avec Ali qui débarque avec un nouvel album le 2 mars prochain dans les bacs. Que la paix soit sur vous. C'est le nom de cet album qu'on pourra découvrir toute la semaine entre 20 et 21 avec Ali. Et le morceau qu'on écoute à l'instant, c'était Dialogue dans la nocturne 100% rap français. Ça continue Détroit. C'est le morceau de Six maintenant. 100% Planète Rap. Avec 2-3 mecs de Vitry, Villejuif, Champigny, Charnay, Malabry, Paris, Bobigny. La tête pleine de soucis, j'ai pas maigri. Les soi-disant frérots ne m'ont pas écrit. Profond, dis-leur de s'enfoncer leur chicha. Quand le succès les fumera, ça me fera ni chaud ni froid. J'suis enfermé, pas quoi, faut les CNN. J'écris sur ma feuille de refus DMN. À part mes pieds points, rien à sur ma sécu. Un jour c'est la haisse, un autre millé sur mon pécule. J'assume ma peine, la bouche cousue à moins de 5 mois. L'arceau m'a dit t'as tout vu. Alhamdoulilah en toutes circonstances. J'ai la mort de personne sur la conscience. Extrait, Créteil, court appel, Panam. J'entends des sentences de bâtard, pour eux c'est banal. J'dis la vérité comme ton ADN. Vis nos putains de vie, tu vas croire que c'est pas réel. Le baveux en caisse, des milliers d'essence. Prends le gel dès que tu décides, c'est le tout puissant. J'marche qu'avec des gens qui me ressemblent. Relève des coups durs, pas de ceux qui s'étranglent. Patience, courage, acharnement, notre armure, on veut rouler en fantôme, plus on voit au palut. Indomptable sans être camère. Intouchable comme dans les bras de ma mère. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en donner le goût. Indomptable sans être camère. Intouchable comme dans les bras de ma mère. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en donner le goût amer. Entre les bonhommes et les pédales, les boucaves qui disent au chef où tu caches ton pénard. On se fait têche de la viande au sport. Coupure de courant pendant 2 heures avant le stop. Baisse de morale à chaque maudit. Mauvaise nouvelle à chaque notif. Tes gosses poussent comme ta barbe et tes tifs. On s'imagine loin des barreaux avec un gros spiff. Tu prends des risques débiles gros. 20 fois que tu passes au prétoire pour des bigots. La preuve qu'on n'est pas tous égaux. Certains écartent et font tomber leur bout de pédo. Ailleurs ils jouent à chat tellement les promenades sont immenses. Et s'il y a pas de chat, que des rats qui dansent. On n'est pas à Guantanamo, c'est un fait. Mais on lance l'avant claquette tellement c'est un fait. Indomptable sans être camère. Intouchable comme dans les bras de ma mère. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en donner le goût. Indomptable sans être camère. Intouchable comme dans les bras de ma mère. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en donner le goût amer. Croisant les cicatrices sur mes bras, charclé par les punaises, tachées de sang sur mes draps. C'est pas au droit touche par semaine. Tu veux la médicale, mets ta quenelle. Esquive le mitard, le gratté sous Ricard. Les jours à intervention au moindre écart. Et puisqu'on est traité comme des sauvages, surveillant, prends ma bite pour faire les sondages. L'inspiration est débordante, comme l'espoir de la victime d'une mort lente. Homicide, braco, go fast, coke shit, récidive, multirécidive, peine à deux chiffres. T'apprends que ta femme te trompe, puis y'a ton petit frère qui tombe, qui tombe. Tu sais que tes parents sont malades, et un soir, on t'annonce que l'un d'eux succombe. Ouais, allô? Allô, frère? Occupe-moi ou quoi? Non, ça va pas là. Ouais, laisse tomber, j'ai même plus de batterie dans mon bigot là. Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Comment ça, une mauvaise nouvelle? C'est le daron, frère. Qui? Je t'ai dit le daron, frère. Comment ça se fait, gros? Écoute. Non, tu veux n'importe quoi. Piqué, calme-toi.

This is the Panam, Panam, Panam, Panam, Panam. This is the Panam, Panam, Panam, Panam, Panam. J'suis là pour tout défoncer. Y'a personne qui pourra me stopper. J'vais tout défoncer. J'suis là pour tout défoncer. Y'a personne qui pourra me stopper. J'vais tout défoncer. C'est la nocturne avec Carlito à l'instant. Bientôt, il viendra faire sa nocturne, Carlito. Secret mieux gardé de la mafia qu'un fré. Ce qu'on écoutait à l'instant, défoncé, extrait de son album Impact. La nocturne continue avec une spéciale classique, une heure de classique. Fabulo au contrôle. C'est lui qui va mixer, qui va nous mettre bien en non-stop maintenant sur Skyrock. Nocturne classique. Planète rap. 100% rap français. Qui met la pression, garçon. Faut le presser contre la répression. Y'a plus de maître ici, plus d'MC. Le son qui met la pression, garçon. C'est le presser contre la répression. Y'a plus de maître ici, plus d'MC. Plus de saison, de raison. Dans mes récits, notre histoire au moins. J'espère qu'elle est pas trop triste à la fin. Dans mon crew y'a foule et c'est la folie. Qu'il emporte, ouais, on dit fait, souvent n'importe quoi. Du bruit comme un R1 sans peau, je suis un polichni. Devant le daron vit, la nuit rit, devant le parrain. C'est pas rose, mais nique sa mère, ici c'est paré. Je pisse devant la barre, haute scène et mon nombril. C'est la seule cicatrice qui mérite un nom. Mériter d'être un homme, avoir la force du nombre et faire qu'un. Si tu en tues un, tu sais bien qu'il en reste un. Trop de tracas, offensif, c'est le sort des civières. Je dis 8 carats sur les gencives. Le son qui met la pression, garçon. C'est l'oppressé contre la répression. Y'a plus de maître ici, plus d'MC. Plus de saison, de raison. Dans mes récits, le son qui met la pression, garçon. C'est l'oppressé contre la répression. Y'a plus de maître ici, plus d'MC. Plus de saison, de raison. Dans mes récits. Alors comme ça on veut racailler. Ma présence, une menace pour les hard-time. Mental de Muay Thai, guerrier on veut avec moi-même. Là où règne le chaos, la mayonnaise servi plus d'un. Coupables, les fils de pute cessent de plaider. Veulent salir nos pseudonymes. Aïe et Bouba disent que lunatique et criminalité sont synonymes. Grillés pour une histoire de trait et de mélanine. On nous endort mais ma croyance en l'au-delà me réanime. Ramène ma force pour ma famille, ma team, mes intimes. 92 infanteries, tous enfantés en joie et douleur. Voient le monde comme une mauvaise plaisanterie. Plaissant et corps meurtri, chant des sirènes et meurtriers, civières, civilisées. On a l'art de la guerre et nos troupes mobilisées. Des avant aux arrières, soldats nés pour mourir. Rien ne sert de courir pendant le repos. Me souviens des instants paumés. Marche l'âme de rasoir à la mâchoire, souvent dans le trou. Agresse avec le sourire, prêt à partir au martyr. Faut que les bourreaux apprennent à souffrir. C'est l'oppressé contre la répression. Lunatique révolution. Le son qui met la pression, garçon. C'est l'oppressé contre la répression. Y'a plus de maître ici, plus d'MC. Plus de saison, de raison. Dans mes récits, le son qui met la pression, garçon. C'est l'oppressé contre la répression. Y'a plus de maître ici, plus d'MC. Plus de saison, de raison. Dans mes récits, des rap sales comme mon argent. De mon pécule à la queue, bon, pour taffer ou pour dealer, partout y'a la queue. Vie crue, avec une poissard, parmi les saïsaïs et les brassards. Mon destin écrit sur du PQ, anti-PD. Pas entière pour une mort violente, garantie frère, ici c'est deux spies. Horrifié parce que je récite l'illicite trop. J'suis une cuillère du feu, une seringue et du citron. Arrêtez de jacter, t'es un vrai gars, ouais. Depuis hier, moi depuis mon premier cas, ouais. Tu t'adresses à qui? À moi, Brahms ou Isakaki. Moi, quand je suis né, j'étais kaki. Le son qui met la pression. Ce soir, c'est pour faire beurre, pour Sèvres et le square.

dans une FA, y'a qu'une place. Donc on arrive en break en RSK. Fric, frac, c'est le début d'un casse en 13 psychiatres. J'arrive des quartiers ouf, des zones critiques, des banlieues désertes. Je flirte avec le feu quand le seum crépite. Patriote, la misère, je vais trouver un char. Tire-toi vite, y'a les gros dès qu'on charge et on rage et acharné. Je flirte avec les mecs enfermés, les plus carbos, les tours décorés par les paraboles. Au nom des frères, du risque et du shit d'esprit. Un mètre, des hommes de loi, car le quartier s'exprime. La jalousie, je l'ai pris. La manière de vivre ma vie, je l'ai bruite. Aussi vite qu'MSN. La quotidienne est de flirter avec la muerte, le boulot, le quente. La baraka viendra pas de l'UMP. Alors on flirte avec le danger, on flirte avec les genoux, on flirte avec l'étranger, on flirte avec les cours. Dans les blocs et dans tous les quartiers de Marseille à Vitry, tous les jeunes te diront on fleur. Avec les amis on fleur, avec la femme on fleur. Avec le quartier on fleur, avec le danger on fleur. Dans les blocs et dans tous les quartiers de Marseille à Vitry, tous les jeunes te diront on fleur. Avec la famille on fleur, avec les amis on fleur. Avec le quartier on fleur, avec le danger on fleur. Rejoins la chienne de la casse. Flirte avec le silence pendant qu'on pleure sur l'asphalte. Ta tête flirte avec le son criant. Écoute, cocasse, tu veux flirter, voilà l'équipe, voilà la base de pitbull. La casse en 13 cicatrices. Enfant des quartiers de Marseille, enfant des quartiers de Vitry. À ceux qui pleurent depuis l'enfance dans la vie sans maîtrise. Ici y'a tout à prendre, bienvenue dans nos cités d'or. Mais tout à rendre, car on flirte même quand nos cités dorment. Flirte avec la mode, la bonne cuisine, les traditions, la famine et déshérités. La France et l'Afrique, j'ai l'amour du fisc et du risque. Flirte avec ma banquière quand on parle de fric. Hey, partout où je passe, je laisse une trace, ma toile, je la tisse. Ramène-moi Paris Hilton, je ferai un beau métis. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour aimer, un temps pour haïr. Donc je fleur, on fleur. Dans les blocs et dans tous les quartiers de Marseille à Vitry, tous les jeunes te diront on fleur. Avec les amis on fleur, avec la femme on fleur. Avec le quartier on fleur, avec le danger on fleur. Dans les blocs et dans tous les quartiers de Marseille à Vitry, tous les jeunes te diront on fleur. Avec la famille on fleur, avec les amis on fleur. Avec le quartier on fleur, avec le danger on fleur. J'ai mon flirt avec les drogues dures, les coups durs, la double culture. Les coutures sur l'arcade, rap et rail et coups durs. L'odo, les racas, la hagra sur les rotules, les bracas. Pour des grosses dunes, allume ton itune, y'a 113 psychiatres. Ça fait des gros tubes sur un son de racaille. Pas d'attaille, la torture qui te cisaille. C'est sopran illuminé, un flow à t'arracher les cheveux plus vite que Britney. J'suis toujours bataille avec la même équipe. Un gros qui se mélange pas, un transférable comme Ronaldinho. Je flirte avec un démon et un ange à chaque épaule. Des mecs mystiques comme dans les rues de South Central. Je flirte pas avec les uniformes, ceux qui ont pas de parole, mais ceux qui flirtent avec la vitesse comme Lewis Hamilton. On t'a cramé avec ton vice, nous fais pas de l'œil. 113 psychiatres, Bellec, on dort que d'un œil. Fleur, on fleur dans les blocs et dans tous les quartiers de Marseille à Vitry. Tous les jeunes te diront on fleur. Avec les amis on fleur, avec la femme on fleur. Avec le quartier on fleur, avec le danger on fleur. Dans les blocs et dans tous les quartiers de Marseille à Vitry, tous les jeunes te diront on fleur. Avec la famille on fleur, avec les amis on fleur. Avec le quartier on fleur, avec le danger on fleur. Dans les blocs et dans tous les quartiers de Marseille à Vitry, tous les jeunes te diront on fleur. Avec les amis on fleur, avec la femme on fleur. Avec le quartier on fleur, avec le danger on fleur. Dans les blocs et dans tous les quartiers de Marseille à Vitry, tous les jeunes te diront on fleur. Avec la famille on fleur, avec les amis on fleur. Avec le quartier on fleur, avec le danger on fleur. On fleur, R, R, on fleur, on fleur. 1-1-3, psychiatra, papé, Vitry, Marseille, on fleur. La famille, on fleur. Yeah, yeah. Rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Putain, j'ai la rage. Depuis que cette chaîne de vie m'a mordu. Depuis je pense qu'au cash, depuis je dors plus. Depuis je parle mal, depuis je fume trop de hache. Je fais que soigner mon mal par le mal. Je suis pas sorti de la merde. À croire que les problèmes commencent à peine sorti du ventre à ta mère. C'est le why dans ma tête, j'écris sans thème. Tu nous croyais dead boy, je nourris mon rap de tes chrysanthèmes. Crie pas victoire avant la fin de la partie. On n'est pas de retour, on n'est jamais parti. 2005, où ça passe, où ça casse. Si ça peigne, que ça rase. Je me mets bien, je fais péter le X5. Tu trouves que le chant de nos vies ne sonne pas juste. Mets ça sur le compte à la société ou au vodka russe. Au tournant de ma vie, si par malheur je me rate, mes ennuis me rattraperont et mes ennemis ne me rateront pas. On lésine pas sur les moyens, on met tout ce qu'on a. Parti de rien, on est tout ce qu'on a. Faute de mieux, on sait se contenter de peu. On fait avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Sur rap, c'est tout ce qu'on a. On lésine pas sur les moyens, on met tout ce qu'on a. Parti de rien, on est tout ce qu'on a. Faute de mieux, on sait se contenter de peu. On fait avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Sur rap, c'est tout ce qu'on a. Franche, compte encore en francs. Je prends chaque jour comme un cadeau, comme l'occasion de trouver la future mère de mes enfants. Je me lève avec la rage, je m'endors avec. Je rêve d'être mieux, je rêve d'être sage. Et d'un bon jour pour faire mes adieux, j'ai vu ce qu'il fallait pas voir. J'ai entendu ce qu'il fallait pas que j'écoute. Parce que j'ai cru à ce qu'il fallait pas croire. À force de vouloir trop bien faire, je suis même plus moi-même. Trop de mal à être humain, à faire confiance, à tendre la main. J'apprends le langage des signes, j'apprends à lire sur les lèvres, dans les yeux. Car l'argent est le seul langage d'ici. Préfère me consumer plutôt que m'affaiblir. Forcer à vivre à l'instant. Un battre à réussir, condamné à choisir entre vaincre ou être vaincu, entre le détour ou le bon chemin, entre souffrir ou faire souffrir. Y'a plus de frontières, plus de morale, plus d'espoir, de paix, c'est chacun pour soi, forcé à avoir trop d'aura. On lésine pas sur les moyens, on met tout ce qu'on a. Parti de rien, on est tout ce qu'on a. Faute de mieux, on sait se contenter de peu. On fait avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Ce rap, c'est tout ce qu'on a. On lésine pas sur les moyens, on met tout ce qu'on a. Parti de rien, on est tout ce qu'on a. Faute de mieux, on sait se contenter de peu. On fait avec ce qu'on a. On fait ce qu'on peut, sur rap c'est tout ce qu'on a. J'ai la fureur de vaincre comme Bruce. C'est la mort à mes trousses. C'est jusqu'à ce qu'elle me trouve. Je jure de semer le trouble et de pas couler parce qu'on n'est pas là pour. On commet des crimes sur le beat et les poulets arrivent toujours à la bourre. Désolé bâtard, j'ai trop la haine pour vivre à la cool. Je m'en sous serment à la base et ça fait plaisir à la cour. En décalage comme Gad, général sans grade. Agent bordélisateur sur digital son crade. J'en ai vraiment rien à foutre. Je crois en ma juste cause. Les mecs comme nous ça s'arrête pas. Ça marque juste une pause. On vise le top. Wicked, big up mon équipe. Comme la bande des microbes, c'est attaque soviétique. Du son pour les postes et les hip-hop. Pendant que ta bande de trous du cul discute de l'état de santé du hip-hop. On attaque Mike en main, mets ton rap à quatre pattes. FF, bang, bang, ratatatata. On lésine pas sur les moyens, on met tout ce qu'on a. Parti de rien, on est tout ce qu'on a. Faute de mieux, on sait se contenter de peu. On fait avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Ce rap c'est tout ce qu'on a. On lésine pas sur les moyens, on met tout ce qu'on a. Parti de rien, on est tout ce qu'on a. Faute de mieux, on sait se contenter de peu. On fait avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Ce rap c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. Alors on s'en sert, on s'en sert. De tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. Alors on s'en sert, on s'en sert. De tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. Alors on s'en sert, on s'en sert. De tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. Alors on s'en sert, on s'en sert. C'est tout ce qu'on a, notre rap, notre public, notre envie d'y croire, notre marginal musique, on met tout ce qu'on a. Tout pour FF, tout pour Marseille, tout pour la France entière, tout nous on donne tout ce qu'on a. Un, par amour du truc, deux, bac pour le fric, trois, tout est dans nos mains. C'est toujours le même combat, on revient avec tout ce qu'on a. C'est comme on a toujours été, rien doit nous arrêter, rien doit nous arrêter. La nocturne. Approchez-vous et zoomez. Constatez que c'est plus comme avant. Depuis mes ventes et que le rap s'est fait goumer. Des phases de fou depuis que mon joint s'est roulé. Que j'ai roté mon poulet rôti et recraché deux îlotiers. Audiophonique, miche, oui, si on est riche. Ouais, puisque nos terres sont pétrole et rubis, tu sais qui je suis. L'automatique pour ceux qui fuient, mon putain d'arôme. Putain, la route est longue de Boulogne à Rome. Et je dois sortir vainqueur d'une défaite. Ce qui veut pas passer l'hiver en Marseille, c'est qu'on incarcère. Bête de niquer sa vie sur un coup de tête. Trop le fond, arrache leur croûte avec un coupe-coupe. Jette un œil à droite, on voit la purée jusqu'à l'extrême. C'est leur plancher, un négro, c'est leur manger. Brûler leur sperme en échantillon. Souder leur chatte, on va pas se calmer, man. Ça sert à rien que tu jacques. 3 ans, mon expérience issue d'un peuple averti. C'est B2O, j'ai 423 ans. Haute-Seine, département. Tu veux stopper mon crew, mais tu vas faire comment? Alors écoute bien. Mon nom stické sur tous les murs du saison hall. Négro, t'es sourd ou quoi? On est hall. Alors écoute bien. Un rap en sauce, y'a plein stop. Le son qui fait péter un câble. Alors écoute bien. Oh, viens-toi, écoute bien. J'aime pas me battre comme un chiffon.

mais pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent, malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations, malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau, transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que la deuxième France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on livre nous-mêmes. Suffit pas de chanter, regarde comme ils nous malmènent. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine. Quoi qu'il advienne, le système nous freine. À toi de voir, t'es un lâche ou un soldat. Entreprends et bats-toi. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Diplômé, éclairé ou paumé, en 4x4 entromé, gentil ou chômé, la banlieue a trop chômé. Je sais ce que la France promet, et que c'est un crime contre notre avenir que la France commet. C'est pour les discriminés, souvent incriminés, les innocents qui traitent comme de vrais criminels. On a l'image de prédateurs, mais on n'est que des proies, capables et coupables, exclus de l'emploi. Si je rechis comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je veux prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut deux fois plus de courage, deux fois plus de rage, car il y a deux fois plus d'obstacles et deux fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura deux fois plus de coups. Avant de vous voir la savourer, je prendrai deux fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois deux fois plus attentif, deux fois plus qualifié, deux fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec, on est condamné à réussir, à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation. Où serait-on sans leur sacrifice comme Mahmoud Bortaïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Ô combien j'admire nos pères, manutentionnaires mais fiers. Si on gâche tout, où est le respect? Si on échoue, où est le progrès? Chaque fils d'immigré est en mission. Chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. Tu peux pas laisser s'évaporer tes rêves en fumée. Dans un hall en fumée, à fumer des substances qui brisent ta volonté. Anesthésie tes désirs et noie tes capacités. Hey, on vaut mieux que ça. Rien n'arrête un bon Mozart qui se bat. On est jeune, fort, et nos sœurs sont belles. Immense est le talent qu'elles portent en elles. Vois-tu des faibles ici? Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici. Bon Mozart est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Ce texte, vous le devez, même si je l'écris le cœur serré. Si tu pleures, pleure des larmes de détermination, car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution.

donne un tir, je m'en fous du passé. S'il me reste quelques millions d'euros à tenir, mon drapeau blanc est toujours au sale. Brolique bien au chaud avant d'affronter l'équipe. Trempe tes couilles dans l'eau chaude, des fois je la fermer. Merde, putain, drapeau à la con. Alors je carbure à la queue, ce con et mon skeuze pas à la fonte. Je rêve peu, je préfère agir, mais j'ai un temps de vie minimal. Donc forcément, infini, ça finit mal. Si j'atteins l'argent ou le bronze, c'est que l'or m'aura échappé. Alors je serai de ceux qui pourraient mettre en zone. En noir, tu demanderas après que ma clique de kill. Mais comment font-ils pour avoir ce style? Fusil à pompe dans les mains, carabdo dans les pupilles. Petit, des numéros 10 dans ma team. Pas juste pour la prime. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Moi sache que nos pères, j'me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au but d'oser. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Dans le rap, j'écris et produis, j'suis chauffeur livreur. Beaucoup de fleurs à mon enterrement, entouré de chiffreurs. Négro, on plaisante pas avec le bif. Au QG, rose et les euros, entrons dans le vif. Du sujet, banlieusard, j'moi à l'hameçon. Juste pour faire la teuf ce matin, la fin, fumer un keuf. Blanche, marron et bingo. On nous parle tuer argent, de rendre bien dingue, gringo. Département du lingot, MC en Occident, par accident, dur à assumer. Mais courageux, on suicide pas, on se fait fumer. Hydro de spin, nos réputations craignent. Les talons noirs, les chiennes, on serait les talons. Son sang est vert, crapuleux dansant. Moi et mes compères, on fout le feu. X sa mère et son père, on a le son qui déclasse. Beaucoup sont dans le moule, mais on le boule qui dépasse. Bras dans le moule. Font du rap sans calories ni fibres. Trop chum, ils en vont pompant. Ils ont pas vu la taille du chiffre. Mais deux OBA, numéro 10, rien à craindre. J'suis destiné à briller, ou à m'éteindre. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Moi sache que nos pères, j'me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au but d'oser. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Tu rêves d'être numéro 10 comme nous. Que la rue t'applaudisse, rappeur Régis comme nous. Ballon d'or grâce à mes tacles à la gorge, mes crochets, ok. J'mets mes dièses, roi du monde de ta, là que j'te baise. Faut que la loi, son arbitrage, c'est carton. Tu l'as ici, c'est nous, les patrons. Sucez-nous pendant qu'on big rap. Souvent la cam est trop douce. Trop gaise, trop laisse, pas dans le 92. Alors des fois je fume, je plane et je perds. Au lieu de prendre des thunes, de gagner du baisse. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Are you ready? Music non-stop. Number one radio station.